pont des supplices. Tombent les actrices et dans leurs yeux chromés, le destin s'est brouillé. Au café de Flore, la faune et la flore, on allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant, que deviennent les valses deviennent. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, à quoi tu penses? Dans la Rome antique errent les romantiques, les amours infidèles écrivent sur logiciel. Du fond de la nuit remonte l'ennui et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant, que deviennent les valses deviennent. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis à quoi tu penses. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis à quoi tu penses.